Ei. Ei. Agitation tropicale. tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir. On y voit des jours de colère. Sortir de populaire. Et vibrer les cœurs de Paris. Toujours en profondeur. Joli moment d'histoire. C'est écrit le long des boulevards. Je me ferme les yeux dans le boulevard. Elle a plus joli des enfants. Son bel amour, le prince charmant. Elle apprend sur son cheval blanc. Elle l'oublie le temps. Dans son palais flottant. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. version triste. Écoute. Merde. Mi, sol, si, mi. Synthé, il n'est pas désaccordé. Je suis en normal, moi, c'est un synthé en mode normal. Cendrillon pour ses 20 ans et la jolie des enfants, son bel amour, le prince charmant. La prince sur son cheval blanc. On ne fait pas le pont. On ne fait pas le pont. Bon, on a qu'à trafiquer le pont. C'est JP qui est détuné. À un synthé détuné, plus de thunes. Non, non, c'est pas possible. Attends, que j'ai fait, tu vois. Non, je suis bon, moi. C'est bon. Salut, Karma. Ses 20 ans et la plus jolie des mamans, son bel amant, il s'est barré avec ses poils au bois dormant. Non, c'est pas ça. Non, pardon, je suis un peu en avance. Cendrillon pour ses 20 ans. Et la plus jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval. Ouais, c'est pas le pont. Pas faire le pont, hein. Ah, j'ai perdu le son de droite, mon casque. Et c'est le casque, du coup. 1, 2, 3, 4. Si tu veux pas le pont dans cette chanson, c'est un peu compliqué. Il faut zapper. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée ? Elle oublie le temps. Tu fais une version parlée. Cendrillon pour ses 20 ans. Elle a plus jolie des enfants. Son bel amant, le la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ses palais d'argent pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part, jolie petite histoire. Thank you.